âme, tu sais, y'a trop de faux. Je roule la nuit, bébé, je trop vite. Pas de limite. De ma meuf matin, t'es mon acolyte. Un peu comme une gimmick. J'ai besoin de me reposer. Oh ouais. On peut le faire à Ibiza. Ou à Mikasa. Un peu comme une gimmick. J'ai besoin de me reposer. Oh ouais.